Bonjour, ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. J'en ai fait une, mais je l'ai pas mis en ligne, pas encore. Je vais peut-être la mettre en ligne là, avec celle-là. Donc, celle que j'ai faite il y a une semaine devrait être en ligne avec celle-ci là, dans ce moment qui suit, parce que il y a beaucoup de mouvements, il se passe beaucoup de choses, puis j'accorde moins de temps là, à faire des vidéos. Puis c'est surprenant, là, quand je dis il y a du mouvement, c'est qu'il y a du mouvement par rapport, là, il y a quelque chose là, qui circule. C'est intéressant. Il se passe beaucoup de choses. Mais, bon, c'est certain que des fois, je me sens affecté un peu quand il y a beaucoup de mouvement. Mais au sens où, vous savez, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je le faisais pour moi, je me disais ça va être, ben je me disais, ça me disait ça va être un catalyseur de quelque chose, au sens que je me suis dit peut-être que je vais intégrer le matin, parce que souvent ça arrive, ça parle, c'est très brillant, mais plus que ce que l'ego peut intégrer, et c'est avec le temps. Parce que ça devient, puis le pire c'est que, plus on intègre, plus on se rend compte, plus ça devient subtil, là. Ça devient, bon, c'est comme quand je parle du mouvement, c'est un peu comme, bon, il y a des gens nouveaux, là, qui vont me contacter, là, puis il y en a, puis là, tout d'un coup, ça vient créer, je vois la mécanique, là, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, il y a un mouvement de, il y a une cause à effet dans le subtil, c'est un peu ça, c'est quoi l'invisible, c'est ce qui devient visible par le visible, c'est ça, aller au-delà de la forme, au sens de je vois du mouvement. Et ça fait que je vois à travers le mouvement des formes, c'est de remonter en amont un peu. Puis ça devient lassant, au sens où ce qui est de voir ce qui ne devait pas être vu jusqu'à un certain point, en tout cas ce qui doit être vu est vu, mais on finit que ça devient un travail à plein temps parce que dès que je suis en interaction avec des gens, je vois des mouvements dans le subtil qui se densifient à travers la personne qui parce que tout le monde est en contact là, avec le subtil, ça fait, c'est lié. Il y a un des pleins est une densification d'un autre qui. Bon. Puis c'est ça, on finit que je vois, je suis tout. À un moment donné, j'aurais envie de prendre des vacances, d'observer. Parce qu'il y a une certaine. C'est déstabilisant. Il y a tout le temps du mouvement, on voit tout le temps du nouveau, il y a tout le temps. C'est en mouvement tout le temps, donc il n'y a aucun. Puis il me reste encore, si on peut dire, le plan psychologique qui fait que j'aurais envie de me reposer de ça. Et puis on finit toujours par tomber dans la naïveté de se dire, eh bien, si je rencontre des gens qui eux aussi le voient, au lieu d'être toujours observer les forces à travers les gens, de les voir, mais de ne pas pouvoir en parler avec eux, de se dire, ça va être un catalyseur d'intégration, au sens où je fais un mouvement, puis ça crée du mouvement, puis il y a un retour et tout, et on finit toujours par tomber dans la naïveté que si je viens à bout d'échanger avec des gens qui ont la vue de ces choses-là, eh bien, ça sera pas aussi épuisant d'observer les forces. Mais il arrive tout le temps un moment où on finit que lorsqu'on voit là, qu'il y a plusieurs personnes qui échangent, la plupart des gens sont des. Ce que un voit, l'autre le voit pas, mais ce que lui voit et puis l'échange finit que l'autre le voit, et comme ça, il y a, si vous voulez, un panoramique là, lié aux différents paradigmes, aux différents points de vue qui vient créer quelque chose, une vision d'ensemble, et puis ce serait toujours encore là pour au moins avoir un échange avec des gens qui voient le jeu un peu dans le subtil, mais il finit toujours par y avoir, l'être humain étant ce qu'il est, il y a encore de l'émotif, il y a encore de l'affectif, et puis ça va toujours engendrer de l'opposition, et ça fait partie du mouvement, mais c'est fatigant de voir des gens qui connaissent les forces, qui savent ce que sont les forces, de les voir. devenir le portail de ça sans le voir tout d'un coup, puis de se rendre compte que c'est fluctuant, la vue, une vue claire de ces phénomènes-là. Donc, je suis jamais en conflit avec personne, mais je suis obligé d'avoir des conflits naître parce que il y a encore le fait que c'est comme nous nourrissons le mémoriel. Nous nourrissons le mémoriel avec l'émotionnel. Nous entretenons des formes. L'énergie qui n'a pas été intégrée dans l'expérimental, dans l'enfance, par exemple, va être portée à vouloir revenir sous de nouvelles formes. Et ça, c'est dès que les formes sont nourries avec de l'émotivité, il y a de la conscience de drainer. Et c'est là qu'il y a ce maudit mémoriel expérimental-là qui vient colorer les rapports de la vue entre les différents points de vue et qui vient créer de l'opposition, qui vient créer de la division. Dès qu'il y a de l'émotionnel et de l'affectif lié à des vieilles mémoires expérimentales qui viennent se réveiller pour passer à travers de nouvelles formes, la mémoire cherche à s'actualiser dans le présent. Tout de suite, il va y avoir tôt ou tard de l'opposition, de la discorde, il va y avoir du conflit, des conflits, non pas d'ego, mais à travers l'ego, il y a du mémoriel qui cherche à créer de l'expérimental en s'additionnant, si vous voulez. Et de le voir, ça, c'est chez des gens qui sont très, très, qui ont intégré beaucoup, ça devient lassant. Puis c'est là qu'on se rend compte que le fait de se dire, ben, d'être toujours pris avec des gens qui n'ont pas de notion, de ce qui a été appelé la psychologie évolutionnaire, c'est lassant parce que vous voyez beaucoup, beaucoup de choses, mais ça ne serait pas ajusté d'en parler. Et puis, on finit, c'est comme si on retenait toujours un mouvement, alors qu'on ne devrait pas, mais on sait qu'il ne sera pas ajusté encore parce qu'il y a certaines choses par rapport au discernement de la créativité réelle qui commencent à poindre, qui ne sont pas intégrées encore. Donc, c'est prendre des risques. C'est prendre des risques. Donc, on est toujours à retenir un mouvement. Bon, on se met dans l'observation d'être le plus objectif possible. Puis là, ça devient un travail à temps plein. Et puis, on finit par se dire, d'autres qui voient ça, si on socialise avec eux, ça va être un peu peut-être des vacances. Eh bien, non. Non. Tant qu'il va y avoir ce qu'on voit là dans la psychologie jungienne qui appelle l'enfant intérieur. Et puis, cette chose-là est une nuisance. C'est une nuisance, la puérilité émotive, affective, qui est liée à de la mémoire, liée à de l'expérimental à ces stades-là. Il y a de l'énergie qui n'est pas intégrée et ça va toujours vouloir se remanifester dans le rapport à l'autre. Dès qu'elle est, c'est là que ça fait partie de ce dont j'ai parlé beaucoup, là, de l'intersubjectivité liée à la grégarité humaine, comme quoi que l'être humain est encore un animal social, il est complètement animalisé, il est mené par de l'émotivité, et même quand commence à poindre une intégration de ces lois-là, ces maudites forces-là veulent toujours se réactualiser, on finit par dire parce que on sait pas le genre de choses qui s'intègrent parce qu'on le veut. J'ai été amené à faire ça. Ce que je fais sur YouTube, c'est parce que ça m'a amené à faire ça. C'est ce qui était dans le subtil en me traversant voulait se manifester comme ça. Et je sais aujourd'hui que ça n'est pas une question de libre arbitre. Mais une fois, donc on voit, ce n'est pas une décision, on voit parce que ça veut voir à travers. Et le fait est qu'on finit par développer, oui, c'est sûr, une opposition de la haine, de la colère, comme on le voit là, dans ce milieu-là, du supramental, la colère contre les forces. Mais même là, je suis rendu jusqu'à un certain point, ça devient futile. C'est pas. C'est un peu. Les crises de force, à un moment donné, on vient fatigué de voir. Puis on se dit, peut-être que si j'échange avec d'autres qui voient, ça va faire comme pas une vacance, mais c'est de sortir d'une immersion pour entrer dans quelque chose où il y a un échange réel, et puis on pense que ça va être des vacances, puis qu'est-ce qui commence à poindre? Des crises de force. Les crises de force, encore, qui cherchent toujours à créer de l'opposition, de la division, qui veulent engendrer de l'expérimental pour réintégrer de l'énergie qui passe pas. Puis, ça crée des conflits, ça crée des blocages, ça crée de la hiérarchisation subjective, superficielle, liée à l'émotivité. Tout ça, pourquoi? Parce que l'être humain, dans la petite enfance, il veut être vu et il veut être aimé pour ce qu'il est, mais étant donné la pollution intersubjective liée au milieu, il va rester avec cette énergie-là. Ça devient quelque chose qui entretient des formes dans le mémoriel. Et puis, la minute plus tard, même des adultes très, très rationnels, très, très conscients, la minute qu'ils ont à nouveau des forces d'accumuler, mais qu'il y a de nouveau là, des nouvelles formes par où ces maudites forces-là pourraient s'écouler. Ça va gosser pour créer de l'expérimental. Ça va. C'est là que on vient. Moi, je viens que j'aime tout le monde. J'arrive pas à en voir. Même la personne que je revire d'abord, puis que je suis bête avec, puis que je l'aime bien, cette personne-là, mais la personne, c'est ça qui est ajusté à lui dire. Mais il reste qu'on vient qu'on aime tout le monde, puis même les on voit là. On voit ce qui. Si, c'est un peu comme. C'est plus facile, comme Sabourin le faisait remarquer, c'est plus facile pour un professeur de se faire obéir par un enfant que le parent parce qu'il n'y a pas la tension affective, émotionnelle. C'est pas là. Donc. Si vous voulez, le travail est moins subjectif à ce niveau-là. Il y a moins de mémoire qui cherche à créer de l'opposition expérimentale. La minute qu'un professeur a un rapport affectif, émotionnel avec ses élèves vont créer de l'opposition. Ça va être difficile de. Ben, c'est la même chose. Il va falloir, dans ce milieu-là, si on veut échanger, puis se parler, de comprendre ce qu'est les forces de l'âme au sens de l'émotivité, de la mémoire, de ces choses-là, parce que la minute qu'il y a de l'émotionnel, puis qu'il y a de l'affectif, ça crée de l'opposition, ça crée des blocages, ça crée un paquet de problèmes. Puis, c'est cette énergie-là qui n'est pas gérée par les gens en conflit. Au fond, ça passe à travers eux. C'est ceux qui le voient qui sont obligés de la gérer pour réajuster tout. Puis ça, c'est fatigant. Si, parce que sinon, ça va rester quelque chose de réellement individuel. De toute façon, ça ne peut pas faire autrement, mais au niveau de l'échange. Au niveau de l'échange, il va falloir arrêter d'être des anthropoïdes sophistiqués dans une tribu. Parce que dès que je vois plusieurs êtres humains se réunir, je vois ces forces-là animales, sociales, entre guillemets. Il n'y a pas encore de société réelle, là. Il n'y en a pas encore eu sur Terre de société réelle. Ça, je le dis parce que je le dis là, ça dit ça. Mais donc, est-ce qu'il y a possibilité un jour d'avoir des êtres qui ne sont pas dans l'affectivité animale, mais dans le respect réel d'une vue. De voir vaut mieux être vu et respecté pour ce que l'on est que d'être aimé, puis dans des guerres émotives, d'affection, puis d'être tiraillé par des. Parce que c'est sûr, c'est. Quand il y a des conflits comme ça, personnellement, je trouve pas ça plaisant. Mais d'un point de vue émotif, ça me fait absolument rien. C'est trop intéressant d'observer ce qui se passe, le mouvement qui se densifie puis qui se concrétise dans des conflits comme ça. Qu'est-ce qui est en jeu derrière ça? C'est les crises de force. On vient que. On ne peut pas en vouloir à personne une fois qu'on voit aller les maudites forces qui gèrent l'être humain. Pourquoi? Parce que au niveau de sa conscience, il n'a pas intégré certaines lois, il n'est pas encore son propre programmateur. Donc, il sert les programmes plutôt que de se servir des programmes. Et lorsqu'il entre dans une situation d'échange avec autrui, ça devient une guerre de programmes, des contre-programmes, des programmes. il y a un rapport, ça devient un rapport de force, ça devient du mouvement, et des fois, ça s'acoquine pour créer de l'expérimental et drainer encore plus de conscience, et là, c'est là que ça gère encore plus. Il va falloir que l'être humain, son développement, soit lié au fait de voir l'énergie, de gérer de l'énergie. Nous apprenons à gérer de l'énergie, dont la matière n'est rien d'autre qu'une densification superficielle. Si nous intégrons les lois, que nous voyons le jeu des forces qui cherchent à gérer, à retarder, à réguler, eh bien, nous ne pourrons pas devenir des catalyseurs de nous-mêmes. Nous ne pourrons. L'individu ne s'individualisera pas. Il n'y aura pas une individuation réelle parce que l'être humain doit devenir son propre exégète, qui tient sa propre lumière et qui voit ce qui vient de l'extérieur, qui ne vient pas de lui, pour qu'il cesse de s'identifier à ce qui n'est pas lui, pour développer une identité réelle. L'identité réelle, c'est le bout du véhicule qui tient la lanterne, puis ce qui passe se manifeste et éclaire toute la. Bon, ça va faire une journée.